dans ma petite ville de Winchester. Tous les soirs je pleurais ma mère en mettant la tête à l'envers. Et puis j'ai croisé cette Anglaise qui m'a dit: toi t'es pas à l'aise, viens faire un tour dans ma bedroom, on va se refaire le baby boom. Non non non non non non non non non. Et ma petite Anglaise, sur son lit, je pourrais oublier mon pays, oh mon Anglaise. Ce qu'il me manque en Angleterre, c'est la choucroute et le gruyère. Quoique le cheddar il a bon goût, quand t'as la tête entre les genoux de mon Anglaise. Non, non, non, non. Et ma petite Anglaise, oui, ma petite Anglaise, elle me met carrément à l'aise, elle me met carrément à l'aise. Quand elle se jette sur son lit, sur son lit, je pourrais oublier mon pays, oh mon Anglaise. À force de boire de la, j'ai pris du ventre et elle des fesses. Et le cheddar a mauvais goût quand tu passes plus entre les genoux de mon Anglaise.